mad, come on, bounce, babe, body, cheap, voila, beige, clean, para, backspace, do, flats, man, Johnny Mano, cheap, cheese, man, pasto, somo, plug, et mad, come on, bounce, babe, body, cheap, on, connect, la porte, triple, blood, your high speed, spare, ouais, body, cheap, cold beer, sur la table, et babe, regarde ma tasse, des jambes écartées sur la table, et babe, je promets 10 000 dans mon fac, les lettres m'ont raspé, body, chief, voilà, t'es écrit mal, fac, je baisse toute la semaine, j'en ai mal au chief. Tech 9 sous le KW, j'en règle 9. Les mecs, j'suis venu pour voir avec Tav. J'suis plus en tête d'un vrai rêve. J'suis beau comme un kilo de reptile. On graille à 4 sur tes boîtes de 12 rings. Rappel? T'as 10 ans plus tard, j'mets 12 grammes d'or sur mon new ring. J'veux payer le poteau, m'dit c'est mec. J'roule une os, j'roule une auto automatique. J'remuleuse, j'remuleuse, mi-automatique. J'remets l'eau, j'remets l'ange dans la zincrée. J'rentre, j'achète gosse, on a trop les shit vitrine. J'suis un peu bourré, j'vais la désaper dans les brins. J'ai pas mis un doigt, le cuir est déjà plein de cyprès. Hier y'a eu boucherie, le ciel est si gris. Aujourd'hui j'vis un peu, l'ennemi est si triste parce que je promène du nid dans mon frac. Les maîtres m'ont aspect, balai, chill. J'vois la tête, j'cris à la fac. J'baisse toute la semaine, j'en ai mal au chill. 19 bastos dans mon plug. Les maîtres m'ont aspect, balai, chill. On connaît la porte de ton plug. Le respect s'perd, ouais, balai, chill. Trop de billets sur la table. Et regarde ma tasse, des jambes écartées sur la table. Je me promène 10 000 dans mon frac. Les lettres m'ont aspect, body, chief. J'vois la tête, j'cris mal à la fac. J'baisse toute la semaine, j'en ai mal au chief. 200 kills dans le coffre, pisse dans la bouteille. Métaux sur des fronts, ghetto sur écoute. Khalil sa cellule, rempli comme un henout. J'ai pris trop d'oseille, 4 pattes par semaine. Chez toi c'est plus de peur que de mal. Plus de peur que de balle, plus de salope que de vrai. Chez nous c'est plus kilo que gramme, moins de peur que de balle, plus bien qu'à peu près bien. Cette nuit j'ai compté 30 000 en petit bleu, 20 000 en marron, 2 ans de salaire de gueule. J'suis dans un milieu, juste à 20 000 lieux de vous, 2 ans de salaire en un week-end. J'ai 2-3 ifus, près de mon bifeu, hier j'avais ma bite et mon couteau. Moi ma vie elle a pris feu, quand des caisses ont pris feu, avec des corps inertes, je sais dedans. Donc, vu que l'époque est chaude, et que tout un coup, je pense qu'il vaut mieux que je me promène 10 000 dans mon frac. Les maîtres m'ont aspect, balai, chief. J'vois la tête, j'cris mal à la fac. J'baisse toute la semaine, j'en ai mal au chief. 19 bastos dans mon plug. Les maîtres m'ont aspect, balai, chief. On connaît la porte de ton plug. Le respect s'perd, ouais, balai, chief. Trop de billets sur la table. Et regarde ma tasse, des jambes écartées sur la table. Je me promène 10 000 dans mon frac. Les lettres m'ont aspect, balai, chief. J'vois la tête, j'cris mal à la fac. J'baisse toute la semaine, j'en ai mal au chief. Un peu 19 S.